et la mer dans mon sphincter. Sphincter, sur Canal Sud. Vous écoutez Sphincter sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Vous écopez. Si vous voulez de la grande musique et de l'art, c'est mal barré. C'est nuisance. Moi j'en ai. Nuisance, c'est de la merde. Nuisance, c'est un sphincter. Nuisance, c'est un sphincter. Sphincter, nuisance. C'est deux sphincters. J'ai un sphincter. Et je l'aime, je le frotte par terre. Et tout ce qui s'en échappe, ça fait un sphincter. On peut s'écouter chanter pendant qu'on chante. C'est l'air. La musique. C'est la musique. C'est la musique. Ouais. Tous les autres font que je laisse échapper. C'est la musique. C'est la. Trop de merde à terre. C'est la musique. C'est la. Trop de merde à terre. Trop de merde à terre. Pour les retardataires. Le avec des verres de terre. 92. Avez-vous vu la dernière fois? Non. Avant de se subordonner. Je n'étais pas là. Avec des verres de terre. Là où tu vas. C'est démonté. Où tu vas. C'est déviolé même. Où tu vas. Smic. En deçà de la mer. Smic de smic. Qui a fumé le c'est pas merdique. Bateau battu. Ondulatoire. Bateau battu. Tas de molécules d'eau. Vois-tu, la mer comme vois-tu. Qui tas de molécules d'eau. Vois-tu. Qui a volé la mer. La mer comme vois-tu. Vata, vois-tu. Vas-tu, j'avoue. Qui a volé la mer. Vata, vois-tu. Qui est la mer. Vas-tu, j'avoue. De l'intérieur de mes tripes. La merde extraite la mer. Qui est la mer. Tu es tuteur. C'est permis de tirer la chasse. Tu te parles. C'est moi qui ai perdu ma place. Pavane, pavé. Tirer la chasse. Pévé, pivert, pavoine. On n'a jamais trop aidé dans la vie. Pavane, pavé. Tirer la chasse. Pavé, pavère, pavoine. On n'a jamais trop aidé dans la vie. Il va falloir faire quelque chose maintenant. Bafoué. Sinon, bifoué. Gare. Pavé, bavoine. Il va falloir faire quelque chose maintenant. Bafoué. Sinon, bifoué. Pavé, Museau, sève de porc, bave, de chauve-souris, sève, de bave, d'hirondelle, du travers de porc, de porc, de porte et d'autre, des travers, du travers de porc, en traversant l'aurore, toujours travers de porc, horizontal, aimant. Comment disposé comme le Seigneur, le doux Créateur, nous l'a donc enseigné, oui. Le Créateur ottoman. Je pète. Comme Dieu a pété un jour. Oui. Je pète. Comme j'ai pété. Un jour. Pété un jour. Et Dieu, c'est mon Père. Je sais. C'est laid. Un jour. Et ma mère, c'est Dieu aussi, c'est encore plus laid. Dieu, c'est pas fini. Je suis Dieu, ouais, c'est laid, hein. Et toi, t'es Dieu aussi. Merde, c'est pas fini. C'est là que le début commence. Bavette, à vraiment me faire chier. Buvette, bavoir. C'est quoi cette merde? Never over. C'est moi ou c'est toi? C'est nous ou c'est vous? C'est l'autre ou c'est soi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? L'autre c'est quoi? C'est quoi? Better. C'est quoi? Faster. C'est quoi? L'autre c'est quoi? Harder. C'est quoi? C'est quoi? L'autre, c'est quoi? Do it now. Et encore, on n'a rien dit. C'est pas lundi. Chaque une ou deux. Une. Des involtures se démènent en la torpeur. Existe une musique. S'entremêle. Une musique. Effectivement intriquée, un tant soit peu. Rien que pour vous. De traverser d'autres, du port, cette idée. L'idée. Une seule note. L'idée est de nous. Ding. Nous. Ding. Nous. Ding. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. Nous. To, I was lied to, I was lied to tonight. Someone lied to me and I hurt them and I sucked their lies tonight. I was lied to, but I was stupid. Their lie. I was stupid to hear that lie and believe it. Is it late to be better? No. Two. I hope it's not too late enough to hear. Let's hope together. Is it late to be better? Two. No. Two. Let's be better. I certainly do hope I don't have to hope. Let's hope together. Late to be better. Two. So. Two. Let's be better. Is my rectum full of shit, or is it just my head? Here's my mouth. Let's hope together. Opened. Late to be better. Do you want my medicine? Do you want my medicine? What kind? Take my. Is my rectum pillow full of shit, or is it just my head? Let's hope. This is my medicine. My pillow is my medicine. Do you want my medicine? I've in my pillow full of shit, or is it just my head? I touch my hairs. This is my medicine. With my fingers. I touch. The whole fucking time. Your medicine. I wasted my time. I'm a waste I'm of time. Fooled. You're not. I'm sick of time. We all are. I'm sick of time waste. Wasted my time. Waste. I'm a waste I'm of time. Fooled. You're not. I'm sick of time. We all are. I'm sick of time waste. Wasted my time. Waste. I'm a waste of time. Fooled. Who's a waste of time? We are a waste of time. We are a waste of time. Who's a waste of time? We are a waste of time. I'm not worst. I'm not worst. Certainly not. You better. I am the worst one there is. I better not be worst. I'm the worst one there is. You better worst be. Not better. What? You're trying to not be worst at worst one there is. What you gonna pay? You hope so. The worst one there is. Certainly to hope so. I'm the worst one there is. Piece of shit that's me in the corner there. You know, piss on shit. Yeah, right? You gotta know what you're doing. Every now and then. Just don't go wrong all the time, you know? Right? You gotta know what you're doing. Every now and then. I don't know. Just don't go wrong what all I'm the doing, time, you know? Who I am, or what I'm gonna do. Right? I finally found a resolution to my problem. I've been spending all day wondering with whom I'm gonna share. With whom I'm gonna share. you gonna share yourself with who? I'm not gonna share myself with no one, 'cause I'm a piece of shit who doesn't give a fuck, and I don't give a fuck, that's true. Cut it down. Are you talking about what? Cut it down just now, you know. Cut it down now. That's where it's got to be done. Cut me down. Now. Come here. Come here and cut me. I don't want to come on my face. Oh, you don't want to come anywhere. I'd rather come in my sphincter. My rectum is full of jism. My rectum is full of jism. My rectum is full of jism. Always my face, your cum. Jesus told me so. Jism. I'm so ashamed of religion. Jism is up my asshole. Like, doing something with it, like not changing it into like something else and just like putting it up. Shit. It's gonna make us. I got it. But to his place, you know that guy. Whose place? House place. But. What? Yeah, it can make bad experience. Ask anyone else but me, 'cause I'm not actually getting just how precisely I'm supposed to, you know, reflect and comprehend to bring you a response to your questions. What's the solution to your problem? There's no problem, there's no solution. We're already dead now. Oh, okay, so you know what it is. We're always dying, and I don't know what I'm saying. It's religion, that's what it's about. I pray to the Lord, I am wise and a good person. But in fact, I'm a piece of shit, and I don't give a fuck anyway. Who cares anyway? On a foot, d'être des gens bien, d'être des gros cons, parce qu'on s'en fout, on est de la merde. Et on va pas aller travailler demain, on s'en fout, travail de merde et tout, enculé. Enculé. Hey. Excuse me. Enculé. Ouais. Enculé. What? Mais quand même, ils ont dit je suis malade. Je ne veux pas travailler. Je veux juste m'oublier dans un verre de whisky coke. Coca-Cola dans mon incestueux whisky. Whisky inceste avec ma maman. Inceste avec mon chien. Avec mon oiseau et mon lapin. Inceste avec mon chat, avec mon doigt et avec mon caca. Ok, c'est quoi ça? Ça boucle. Mon doigt et avec mon caca. Il se passe absolument rien, donc si vous voulez bien enlever vos casques, que je dise de la merde et que personne m'entende, allez tous vous faire foutre. No. Merde. It's not the what's going down. Please. Or is it? No. Merde. It's not the what's going down. Speak for no one but you. A voice that's heard from no one else. A voice that you and me. Ayam, pour se faire jusqu'à présent. Alors, where you go? How do I'm words. Voilà la chose. La chose est dite. Alors, how do I'm words. Voilà la chose. La chose est dite. Alors. My fucking dog is inside the piano. It jumped, must jump there. My fucking dog is inside the piano. My fucking dog is inside the piano. Non mais. Quand même. Ce ne peut être. Encore une fois. Non mais. Quand même. Ce n'est peut-être encore une fois. Tessa was saying nothing moves like removal. Ashtray, light and darkness. Teammates. Ashtray, light and darkness. Savoir être en possession d'une telle structure. I found the gold in the river feather, plucking against the winds. That's what I said about nothingness coming to sight. I have found the gold in the river feather, plucking against the winds. That's what I said about nothingness coming to sight. I have found the gold in the river feather, plucking against the winds. That's what I said about nothingness coming to sight. Feather plucking against the winds. That's what I said coming to sight. Coming to sight. Manque stupidement, bêtement, cruellement d'esprit critique. Noise. Noise. Noise. I can tell. Noise. Fucking noise. Je m'y connais. Noise. And je ne sais pas, mais le passe Candine. Je n'oublie pas, je tergiverse. And je ne sais pas, mais le passe Candine. Je n'oublie pas, je tergiverse. C'est alors qu'apparaît comme réponse. Okay. C'est alors qu'apparaît comme Tact and bodily fluids bring light also, and I can tell. Et c'est ainsi que je remplisse le vide est impossible, Nact. Des mois qui traînent partout, moi. Et c'est ainsi que je remplisse le vide est impossible, moi. Impossible, merde. Les yeux me traversent l'esprit, comme un ravageur de temps, décrépit que me souhaite, pas infinir en direction de temps rendu, inextricable par l'inconfortable, et c'est sûr. Donc la perte de phase et l'effet, la soluce et l'évitement, tout déjà à sa phase et à sa place. Et c'est alors qu'apparaît, comme réponse, la réserve d'attitude. En une vue d'un relatif d'abaissement en altitude, pas une descente, non, plutôt une stable reprise d'élan en vue d'une remontée ou plutôt d'une continuité de la montée originelle intrinsèque. La douleur ne fait que s'accroître en accroissement intrinsèque. Nécrofeedback. Et pour ainsi dire, à jamais, entrecouvert de stire, se fascine. La frase se llama El Mimi. El Mimi, ¿qué? No, eso es el perro. No, el Izu, pero el Mimi. ¿No sabes dónde se sitúa? El Mimi es delante de Baba, pero el Baba Gaga, ¿no sabes dónde se sitúa? Sí, puedes, pero tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes? Allez. Comment est-ce à la bibliothèque? Allez. Martine à la plage. Allez et retour. Non mais ça je sais, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais... Significa que el tiempo es 40 minutos. Ok, alors c'est parce que c'est évident le truc. Muy evidente. ¿Te, claro. ¿Te gustan los slaps in the face? Ah, me gusta mucho. Ah, no, te gusta. Slap, no, te gusta mucho. Slap me. There is something very wrong here. I just don't know what it is. Sacramento. California. Sacramento. California. Drugs. Every time I go home, I got 50 messages. And cannabis and marijuana. Drugs. My drugs. France is full of shit, and California is drugs. Shit is full of France. Say what, motherfucker? I'm a blast of motherfucking head off, and I don't give no shit no more, motherfucker. You wanted me to bust your head off? I got the itchy trigger finger, nigga, ready to bust your motherfucking head off. I'm not joking anymore. Cause I come from the same motherfucking neighborhood. I don't give no motherfucking shit about what you say, yeah. cause I've been in the same motherfucking street, so say what, motherfucker, I'm gonna blast your motherfucking head up. Get it high, get it down, get it down, get it high. I'ma blast your motherfucking head up. Where'd you come from? I don't give no shit, I ain't nothing to lose. I'm coming from the city of Toulouse. Motherfucker, I come from the same motherfucking city of Toulouse. And I ain't nothing to lose. Come on, motherfucker, I'm gonna blast your motherfucking head up. Is that for real? I'm up for real. Get it down, get it down, get it down, get it down, get it down. I got my shotgun. Get it down, down, get it down, get it down, get it down, get it down. Coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, get down, get higher, get down, get down, get down, get down, get low, get low, get down. Get it high, get it high, get it low. Get it down, get it down, get it up, get down. Up, up and away, up, up and away. Get down on your knees. What is that in the sky? It's a bird, it's a train, it's a fucking plane, it's Superman. You motherfucking Chinese, get down on your knees. I don't give no motherfucking fuck about what you say. Is that the same thing? I'm coming back from Thailand. Yeah, I got nothing to say. Nothing to do. I got my shotgun. You gotta wait a minute, whoa. You gotta wait a minute, ho. You gotta wait a minute, bro. Ho, would you suck my get on your knees? Motherfucker, motherfucker, please. Ho, would you suck my get on your motherfucking knees? Suck my penis twice, so that we can look at each other in the mirror, and all the time we fuck, and I come on myself, and then there's jism and blood everywhere, and I kill you? Suck my hairy nigga dick and die. I'ma smoke your motherfucking smoke your head up. Head up, kill display. You, kill you, kill you, kill you. Suck my hairy nigga dick and die, motherfucker. Kill you, kill you. Coming up, coming up. Get it down, get it high. Get it high, get it higher. Get it down, get it high. Get it higher, higher. Higher! Twisted Graham Bucket Jacketing the whole fucking time. C'est comme ça la première fois, c'était toujours la même chose après. Ça ne s'arrête jamais, c'est la même. Et ça recommence encore le problème. Encore, encore et toujours. Il est vide, blafard, blême. Le problème. Le problème reste, les choses ne changent pas. Ça demeure toujours la même chose, encore et encore le problème. Livide, blafard, blême, pâle, visage pâle, visage pâle. Prends ta merde et bouffe-la, bouffe-la, bouffe-la bien. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu n'étais qu'un tas de merde dans un caillou. Fossilisé dans une grotte, et une crotte de dinosaures gentils, rex et rhododendrons. Pissoli, pissoli, si tu veux, moi j'en ai rien à foutre des gros bœufs. Je leur dirai quand même ce que je pense derrière leur dos, parce que c'est des gros bœufs. C'est des bœufs, c'est des bœufs, c'est décidé, je ne veux pas de ce genre-là de choses. Ces choses ne sont pas de celles qui déçoivent. Parce qu'on ne peut pas s'y attendre. C'est écrit et c'est défini, c'est pas indéfini, c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Donc la même chose encore une fois, c'est dit. Moi, la vérité une dernière fois avant que je crève, merde. T'es pourri, t'es pourri, t'es qu'une merde. T'es une race humaine à toi tout seul, t'es qu'une merde. Singularité, c'est ce qu'on te dit pour pas te dire que t'es vraiment fini. Tu vas mourir, t'es gros con. T'es gros con, t'es gros con, t'es gros naze. T'es naze, naze, naze, naze, Brock. Et t'es mort maintenant, souffre. Souffre encore de la vie. C'est pas fini tant qu'il y a du jus dans le cerveau. Souffre, get it down, get it down, get it high, get it higher, get it higher, higher. Tergiversation et déblatération de conneries. Attends de la fin. Le présent, c'est après, avant toute présence. Maintenant compte beaucoup, et c'est ainsi que les mémoires vivent, et que l'on discontinue, oui. Et c'est ainsi que les choses changent, vers et par déperdition, éperdition, non respectivement. Je n'a pas, mais, et, car, il ne formule pas, je déçois les autos envoyés en enfer, non, va te faire. Et c'est là que, inlassablement, illisiblement, semant des cocons de terre, lettres et mots dessinés, dessine des saints. Not that I care. Le fait que les gens ne veuillent pas voir, ne signifie pas que ça n'existe pas. Damn it. Creuse comme les heures seules, à deux, ou plus ou moins. C'est là, et cet instant, moment-là, et ici que se met. Some I'm getting it, I'm getting it. Les cocons de terre sont de ce fait inutiles à réaliser, donc à préserver, ou plutôt... spatio-temporel, le bon endroit, le bon moment, et je suis. Pas de lien, l'eau signifie la mort ou pire, la damnation indispensable. Non que l'on puisse, dans ce tréfonds-là, tangible, désarroi, touchable, implicite, I mean, strangled, no love, no envy, nothing, a factual evidence, things, mais bien plutôt laisser aller le seau dans l'eau, un asile d'aliénés, et les vacances, on veut la vacance, puis sans tréfonds ni trébuchement artériel jusqu'au son. Je veux savoir, c'est tout. Alors soyons. So, to say. Alors débitons vite. So what about it? How about that? It's all about it. You know the shit. It's all about the shit. It's all about that. You know that. That shit. It's all about it. And that's the whole thing about it. It's just what it's all about. It's about the shit, you know. And it just keeps on and never stops. Ça continue encore et encore. Ça s'arrête jamais. C'est la merde. Et c'est à propos de ça. C'est à propos de ça. C'est la merde. Et la merde, bah, c'est comme ça. Ça reste et ça tourne et ça tourne et ça tourne dans le bocal. Et dans le bocal, il faut tirer la chasse. Et quand on n'a pas de chasse à tirer, bah, qu'est-ce qu'on fait? On bouffe cette merde. Et qu'est-ce qu'on regarde après? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ses mains pleines de merde et on les lèche. Et après l'eau qu'il y a au fond du bocal, et ben qu'est-ce qu'on en fait? Ben on la boit. Et c'est pas de l'eau, c'est de la pisse. Et qu'est-ce qu'on se fait avec? Ah ben on se l'injecte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'eau pour s'injecter sa dose. Hein? C'est ça que je disais. Tu comprends? Maintenant, je vois tout à fait ce que je voulais dire. Et grâce à moi, j'ai enfin compris ce que moi je voulais dire. Moi, tu sais, moi. Tu vois, moi d'abord, moi. Moi avant, moi premier. Moi. Toujours moi. Alors quoi? Tu perds morceau après morceau. Je ne puis puiser sans inconsistance, pertinence. Moi. Moi, toujours moi. Alors quoi, né. Morceau après morceau, des bagages, sans inconsistance, sans d'être bien intégré dans une société malade. Je veux savoir, c'est tout. Je suis complètement malade et je veux savoir en plus. They wander, they fucking wander, l'espace intermédiaire, théâtre de toutes les mutations, de toutes les mutations. Imperméable, wander, l'espace intermédiaire, théâtre de toutes les mutations, le vin, imperméable, wander, l'espace intermédiaire, surcoté, l'eau, dévalué, tu m'étonnes, que bête rime avec esthète, le vin, surcoté. And death is not, and the thunder, it rumbles all the time. And death is not, and the thunder, it rumbles all the time. And the thunder, it... Je ne puis puiser sans inconsistance. And the death, it rumbles all. You know what it does. Folie intrinsèque, reste aux Aztèques. Folie extérieure, folie intérieure. Use yourself, or do not be. Je suis né un 24 septembre. No control. Psychose psychotique. No control. I was born on September 24. Mais ce qui ferait le chemin. On sait pourquoi. Mettons. Ne pas s'arrêter. une recrudescence. Toujours continuer. Hala. Pas d'appréhension quant au vide. Mais ce qui fraye le chemin, et c'est pourquoi. No life. Fire, kill me, please, I wish to die. Writing down. Loved and always down. Fire, kill me, please, I wish to die. Fire, kill me, please, wish to die. Fire, kill me, I wish to die. Writing down. Wishing, desiring beyond any possible doubt for future. Insouciance. Will do. Oui. Oui. If there isn't any, here it is. You've just forgotten. Damn. And I know it's the whole.